Madame Luce par André Theuriet. Chapitre 1er. Pendant l'octave des morts, tandis que les cloches d'église tintent matin et soir sous le ciel embrumé de novembre, je me plais en mon part-dedans à célébrer la commémoration des années défuntes. Nos lointains souvenirs ne sont-ils pas eux aussi de chers morts que nous aimons à pieusement fêter au jour d'arrière-saison? Ils s'alignent dans le passé, pareil à ces vieux tombeaux des Aliscans que je visitais, l'autre matin à Arles, et dont je voyais la double file de pierres grises se prolonger confusément sous la feuillée tombante des trembles et des platanes. Souvenance de jeunesse ou de maturité, toutes dorment et s'enfoncent à perte de vue dans une vapeur bleuissante, et nous éprouvons une mélancolique satisfaction à descendre la pente de cette allée funéraire, en écoutant le bruissement des feuilles sèches sous nos pieds. Parmi ces souvenirs d'autrefois, j'en recueille un aujourd'hui qui date de l'époque très éloignée, où je n'étais encore qu'un enfant, et s'est soudain réveillé au rayon du soleil de la Provence. Je revois la vieille maison que nous habitions alors dans une ville de l'Est, le palier du premier étage où je lisais Don Quichotte, le spacieux escalier de pierre, d'où je guettais curieusement le passage des locataires du rez-de-chaussée. Ces locataires étaient de nouveaux venus. Le mari, M. Pascal, dirigeait une usine dans le voisinage. Autant que je me le rappelle, c'était un homme de 40 ans environ, brusque, trapu, ayant le souffle court et l'air commun. Madame Pascal, ou, comme on la nommait familièrement, Madame Luce, faisait contraste avec lui. Jeune, vive, sémillante, elle était provençale et avait un petit accent qui sonnait comme une musique sur ses lèvres rouges et s'harmonisait agréablement avec ses yeux bruns, son teint mat et ses cheveux noirs crêplés. Le mari s'absentait tout le jour et la jeune femme restait seule au logis. Dépaysée, sans doute, en cette froide province où le soleil ne se montre qu'en rechignant, elle semblait s'y ennuyer ferme. Quelquefois, par l'entrebâillement d'une porte, je l'apercevais étendue sur un canapé, feuilletant nonchalamment un roman de cabinet de lecture ou s'étirant les bras dans une attitude énervée. En dépit de sa mine attristée, cette brune méridionale excitait singulièrement ma curiosité. Je la trouvais jolie, attrayante, ayant ce charme particulier que revêt pour un enfant une personne venue d'un pays inconnu. Même sur un bambin de 10 ans, l'éternel féminin exerce ses séductions. Mon imagination s'enflammait à l'aspect de cette étrangère aux yeux luisants, à la démarche élégante, à la voix musicale. Je stationnais constamment devant sa porte, cherchant à l'entrevoir à la dérobée, heureux de saisir au passage son caressant regard, d'entendre le froufrou de sa robe, de respirer l'odeur de jasmin qu'exhalaient ses vêtements. Cette surexcitation produite dans l'organisme d'un gamin de mon âge était-elle l'indice d'une perverse précocité? Je n'en sais trop rien. Je crois plutôt que chez les âmes enfantines les plus saines, l'intuition de la différence des sexes existe de très bonne heure. Les garçonnets au sang vif et à la cervelle active éprouvent inconsciemment ces confuses émotions à l'approche d'une jeune femme. Plus d'un lecteur sincère, en fouillant attentivement dans ses souvenirs, retrouvera, j'en suis certain, la trace de préoccupations semblables. Quoi qu'il en soit, la personnalité de notre voisine mettait fortement mon cerveau en ébullition, et au bout de quelques semaines, mon indiscret manège attira forcément l'attention de Madame Luce. Elle n'avait pas d'enfant et elle s'ennuyait. Mes façons espiègles l'amusèrent, elle me prit en gré, et je devins peu à peu son favori. Lorsque j'entrais chez elle, j'y trouvais toujours quelques friandises en réserve. Elle me faisait jaser, et mon bavardage la distrayait probablement, car elle ne manquait pas de m'appeler dès que je revenais de l'école. Même, elle obtint de ma famille que je passerais en sa compagnie tous mes jeudis de congé. Ces journées du jeudi étaient charmantes et je les attendais avec impatience. Nous déjeunions en tête à tête dans l'étroite salle à manger, dont la fenêtre enguirlandée d'aristoloches donnait sur un jardin. La voisine était un tantinet porté sur sa bouche et se cuisinait des plats du midi dont la saveur épicée et l'étrangeté plaisaient plus à mon imagination qu'à mon goût. Mais j'aimais à épier les mines gourmandes avec lesquelles mon hôtesse savourait cette cuisine exotique. Placée en face d'elle, je m'extasiais sur la gentillesse de son geste quand elle maniait son couteau et sa fourchette, sur ses lèvres rouges comme des tomates saignantes, sur ses cils noirs, si longs qu'ils ombraient ses joues. Elle avait au coin de la bouche un signe brun qui disparaissait dans une fossette lorsqu'elle riait. Elle portait à son bras gauche un bracelet auquel pendait un médaillon et une cassolette qui cliquetait à chacun de ses mouvements. Tous ces menus détails me ravissaient. Après déjeuner, nous retournions dans la pièce contiguë où il y avait un piano et qui servait à la fois de salon et de boudoir. Elle s'étendait sur son canapé, les pieds repliés dans sa robe, et elle me permettait de m'asseoir auprès d'elle, tandis qu'elle lisait un des romans à sensation de ce temps-là, Mathilde, le chevalier d'Armental, ou les mémoires du diable. Je me blottissais chattement contre ses jupes, qui sentaient bon, et j'avais une inexprimable délectation à frôler ma joue contre son genou ou contre son bras frais. Je fermais béatement les yeux, et une moite chaleur me courait par tout le corps. Parfois, elle suspendait sa lecture, s'étirait languissamment, puis, saisissant ma tête dans ses mains, elle me baisait au front en soupirant. « Oh, que je m'ennuie! Que je m'ennuie !» Je ne savais trop que dire pour la consoler, mais à part moi, je trouvais délicieuse cette façon de manifester son souci, et je souhaitais qu'elle s'ennuyât souvent, afin de savourer de nouveau les caresses arrachées à son désœuvrement. Chapitre 2e. Amourant des plaisirs, le mois suivant, elle parut s'ennuyer beaucoup moins. Ses yeux étaient devenus plus clairs, sa démarche plus rapide. Elle ouvrait fréquemment son piano et y fredonnait plus volontiers de sentimentales romances. En même temps, il me semblait que sa tendresse pour moi s'attiédissait à mesure et que j'occupais une place moindre dans son esprit. Bref, je me sentais négligé et j'en concevais un secret dépit. Un jeudi, en entrant dans le boudoir, je trouvai installé sur le canapé, juste à ma place préférée, un jeune homme aux cheveux bruns et longs, tombant en boucle sur la nuque. Il avait le teint olivâtre, la barbe soyeuse et frisée, la redingote pincée à la taille et la mine ténébreuse. Madame Luce était assise à côté de lui et paraissait très intéressée par sa conversation. En m'apercevant, elle se leva, prit un album sur un guéridon et me le mettant entre les mains. « Bonjour, petit, » me dit-elle. « Tiens, installe-toi sagement sur un tabouret et amuse-toi à regarder les images. » Elle retourna ensuite près du monsieur qui demanda dédaigneusement, en caressant sa barbe frisée, « Quel est ce moutard ?»« Il est un petit voisin. Il est très gentil et peu gênant, » répondit-elle. Je fus très mortifié d'être appelé moutard par cet inconnu qui venait déranger notre tête-à-tête et je le pris incontinent en grippe. Je fus également peu satisfait de l'accueil de Madame Luce. Elle avait, à la vérité, déclaré que j'étais gentil, mais elle avait ajouté que je n'étais point gênant, et cette qualification négative blessait mon amour-propre en diminuant l'importance que je m'attribuais. Accroupi dans mon coin comme un favori en disgrâce, je feignais de lire, mais toute mon attention était occupée à saisir la conversation de cet intrus aux longs cheveux avec notre jolie voisine. Malheureusement, ce qu'il se disait était plutôt chuchoté que nettement articulé. De loin en loin, j'attrapai au vol quelques mots sonores. Tristesse morne, solitude du cœur, attraction des âmes, adoration passionnée. Tout cela était de l'hébreu pour moi, mais de l'hébreu qui sonnait désagréablement à mes oreilles. À la fin, le monsieur que Madame Luce appelait M. Rodolphe prit congé. Elle lui tendit ses deux mains qu'il serra longtemps dans les siennes, puis brusquement, il se pencha et baisa les poignets de la jeune femme. Quand il fut parti, je vis Madame Luce qui avait soulevé un coin du rideau et suivait des yeux à M. Rodolphe jusqu'au tournant de la rue. Elle revint ensuite vers moi et s'aperçut que je boudais. « Qu'as-tu, petit ?» me demanda-t-elle en m'attirant près du canapé. « Je n'aime pas ce monsieur qui m'a appelé moutard et qui a frotté sa barbe contre vos mains. » Elle rougit puis éclata de rire. « Comment, tu es jaloux ? » murmura-t-elle. « Voyez-vous ce gamin ?»« Écoute, » poursuivit-elle en me caressant. « Monsieur Rodolphe est du même pays que moi, et nous avons grand plaisir à nous voir. Sois gentil quand il reviendra, et surtout, si tu veux que nous restions bons amis, ne parle de lui à personne. » Je lui obéis, et je ne soufflais mot des visites du monsieur à la barbe frisée, non par égard pour ce fâcheux que je détestais du fond du cœur, mais parce que la peur d'être banni de chez Madame Luce mettait une martingale à mon envie de bavarder. Tous les jeudis, je retrouvais l'inévitable M. Rodolphe installé dans le boudoir et chuchotant langoureusement avec la bonne Madame Pascal. Parfois, celle-ci s'asseyait au piano et M. Rodolphe, debout auprès d'elle, dans une pose mélancolique, chantait en faisant vibrer les airs des romances alors en vogue, Le Cavalier Adjoute, Gastibelza, Petite Fleur des Bois, etc. La main posée sur son cœur, l'air fatal, la chevelure en coup de vent, il poussait les notes hautes en se levant sur la pointe des pieds et en décochant de brûlants regards à l'accompagnatrice qui semblait captivée par le charme de sa voix. Souvent, en fouillant dans le casier à musique, leurs mains se rencontraient, et je croyais surprendre de furtives étreintes qui m'enrageaient. Ma présence devait gêner M. Rodolphe, car de temps à autre, il me lançait une œillade agacée et dans une pantomime expressive paraissait solliciter mon renvoi. Mais Madame Luce tenait bon et refusait net de me congédier. Me gardait-elle comme une sorte de porte-respect, ou bien se servait-elle de moi tout bonnement pour détourner les soupçons et sauver les apparences? Je l'ignore. Toujours est-il qu'elle m'invitait à continuer mes visites, et en dépit du crève-cœur que me causaient les assiduités du chanteur de romance, je n'aurais pour rien au monde manqué d'accourir chez elle chaque jeudi. Chapitre troisième. Pourtant, une certaine semaine de juillet, je fus menacé d'être privé de mon plaisir hebdomadaire. Je ne sais pour quelle raison, mon maître de pension annonça que le congé du jeudi serait exceptionnellement supprimé et qu'on irait ce jour-là en classe comme pendant le reste de la semaine. Cette décision, qui dérangeait mes projets, me parut odieusement arbitraire. Je ne pouvais me résigner à l'idée que, le lendemain, M. Rodolphe aurait seul le privilège de passer l'après-midi avec Mme Luce, tandis que je me rongerais de jalousie à mon école. Aussi, dans mon fort intérieur, je résolus de laisser ignorer à ma famille la tyrannique fantaisie du maître de pension et de chômer le jeudi comme d'habitude. Donc, imposant silence à mes scrupules, je pris hardiment mon jour de congé et je m'acheminai vers l'appartement de Mme Luce. Je me rappelle que le temps était très lourd et que, après avoir grossi toute la matinée, les nuages venaient de crever en une torrentielle pluie d'orage. Au moment où j'arrivais au rez-de-chaussée, je me jetai dans les jambes de M. Rodolphe qui sortait de chez notre voisine, l'œil hagard et les vêtements en désordre. Il n'eut pas l'air de me voir et s'élança précipitamment dans la rue. « Il aurait eu peur de l'orage, » pensai-je ingénument, et il court chercher un parapluie. Tout joyeux d'être débarrassé de ce gêneur, j'entrai lentement chez Mme Luce. Là aussi le temps était à l'orage. Une voix encolorée grondait dans le boudoir, et en ouvrant la porte, je vis Pascal qui se tenait, les bras croisés, devant sa femme. Le gros homme semblait agité par une extraordinaire émotion. Son visage, ordinairement rouge, avait blêmi. Ses lèvres tremblaient, et ses épais sourcils se rejoignaient hérissés. Affaissée sur le canapé, la tête dans les mains, Mme Luce sanglotait faiblement. Je m'étais arrêté, effaré, sur le seuil. M. Pascal m'aperçut, et avec un regard furibond, brutalement me cria « Fiche-moi le camp !» Je ne bougeais pas, néanmoins. La peur me tenait immobile et bouche béante. Alors, Mme Luce écarta ses mains. Sa figure m'apparut bouleversée et elle me dit plaintivement « Va, petit, laisse-nous. » Je sortis, tout pâle à mon tour, et longtemps encore, du haut de notre escalier, j'entendis gronder les éclats tempétueux de la voix de M. Pascal. Je passai le reste de mon jeudi dans les transes, et je dormis mal. Le pire fut que le lendemain, il me fallut réintégrer mon école, où je subis une violente semonce, assaisonnée d'une retenue au pain sec pour toute la journée. Mais je n'en avais guère souci. Ma punition me posait en martyr, et je la supportais chevaleresquement, en songeant que je souffrais persécution pour l'amour de Mme Luce. Le soir, quand je rentrais chez moi, affamé, et qu'on se mit à table, ma tante, tout en servant le potage, s'exclama avec des yeux allumés. « Eh bien, il y a du nouveau. Vous savez ce qui est arrivé à M. Pascal ?»« Quoi donc ?» demanda mon père. « Sa femme s'est sauvée avec un professeur du collège, un M. Rodolphe. » « J'avais toujours prédit que cette Mme Luce finirait mal, » déclara ma mère. « Elle était trop coquette. »« Oh mon Dieu, qu'a donc ce petit ?» Je venais de renverser mon assiette à soupe et je restais abasourdi comme quelqu'un qui a reçu un coup en pleine poitrine. Chapitre quatrième. Je n'entendis plus jamais parler de notre voisine et j'ignore ce qu'elle devint. Depuis lors, bien des années ont jeté leurs cendres grises sur cette enfantine aventure. Mais je retrouve toujours dans ma mémoire l'attrayante figure de Mme Luce, pâle, avec ses yeux bruns câlins, ses bandes noires crêplées, ses fossettrieuses et son accent provençal. Elle sort de la brume du souvenir comme ces pastels du peintre Bénard, dont les têtes exquisement suggestives émergent d'une fine vapeur de teinte nacrée et vous regardent avec le charme indéfinissable des choses vues en rêve. Ainsi s'achève Mme Luce par André Theuriet.